L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Chapitre 8. De Jésus-Christ. Mahomet nomme Jésus-Christ à la fois Verbe de Dieu et Esprit de Dieu. Tertullien lui donne ces deux noms dans son apologétique. Voici sur Jésus-Christ un quatrain persan qu'on ne sera pas fâché de lire. Le cœur de l'homme, lorsqu'il est affligé, tire sa consolation de tes paroles. Ton nom seul rétablit l'âme dans sa vie et dans sa vigueur première. Que si quelquefois il est donné à l'esprit de l'homme de s'élever jusqu'à la contemplation des mystères de la divinité, c'est de toi qu'il tire ses lumières, et c'est toi qui lui donne l'envie d'y parvenir. Confère, d'Herbelot, Bibliothèque Orientale. Zacharie se mit en prière et s'écria : Seigneur, ouvrez-moi les trésors de ta libéralité, donne-moi un enfant béni, ô toi qui exauces nos vœux. L'ange l'appela tandis qu'il priait dans le sanctuaire. Le Très-Haut, lui dit l'ange, t'annonce la naissance de Jean. Il confirmera la vérité du Verbe de Dieu, il sera grand, chaste, et élevé entre les prophètes, 3:33-34. L'épouse de Joachim, Anne, adressa cette prière à Dieu. Ô mon Dieu, je te consacre ce que je porte dans mon sein, accepte cette offrande. Lorsqu'elle eut enfanté, elle ajouta, Seigneur, j'ai mis au monde une fille, je l'ai nommée Marie, je la mets sous ta protection, elle est sa postérité. Le Seigneur reçut son offrande favorablement, il fit produire à Marie un fruit précieux, 3:31-327. Jésus est l'envoyé du Très-Haut et son Verbe, il l'a fait descendre dans Marie. Il est son souffle, 4:169. L'ange dit à Marie, Dieu t'a choisi, il t'a purifié, tu es élu entre toutes les femmes. Sois dévouée au Seigneur, adore-le, courbe-toi devant lui avec ses serviteurs, 3:37-38. Dieu t'annonce son Verbe, il se nommera Jésus. Le Messie, il sera grand dans ce monde et dans l'autre, et le confident du Très-Haut. Il fera entendre sa parole aux hommes, et sera au nombre des justes. Seigneur, répondit Marie, comment aurai-je un fils? Aucun homme ne s'est approché de moi. Il en sera ainsi, reprit l'ange, Dieu forme des créatures à son gré. Veut-il qu'une chose existe, il dit, soit faite, et elle est faite. Il lui enseignera l'écriture et la sagesse. Jésus sera envoyé auprès des enfants d'Israël. Il leur dira, des prodiges divins vous attesteront ma mission, je guérirai les aveugles de naissance et les lépreux, je ferai revivre les morts, par la permission de Dieu. Tous ces faits seront des signes pour vous si vous êtes croyants. Craignez Dieu, et obéissez-moi, il est mon Seigneur et le vôtre, servez-le, c'est le chemin du salut, 3:40-44. La parole du Très-Haut est le garant de ce que je t'annonce, continua l'ange. Ton fils sera le prodige et le bonheur du monde. Tel est l'ordre du ciel, 19:20-21. Chante la gloire de Marie qui conservera sa virginité intacte. Nous soufflâmes sur elle notre esprit. Elle et son fils furent l'admiration de l'univers, 21:92. Gabriel, Jibril, lui transmit le souffle divin. Elle crut à la parole du Seigneur, aux Écritures, et fut obéissante, 66:12. Nous accordâmes à Jésus, fils de Marie, la puissance des miracles, nous le fortifiâmes par notre esprit, 2, 81 et 253. Nous lui donnâmes l'évangile, 57, 27. Je suis l'apôtre de Dieu, répétait-il aux Juifs. Je viens confirmer la vérité du Pentateuque qui m'a précédé, et vous annoncer l'heureuse venue du prophète qui me suivra. Ahmed est son nom, 61, 6. Nous mîmes dans le cœur des disciples de Jésus-Christ la piété, la miséricorde et le désir de la vie monastique. Ils l'instituèrent pour se rendre agréable au Seigneur. Nous ne leur en avons point fait un précepte, 57, 27. Jésus sera le signe certain de l'approche du jugement. Gardez-vous de douter de sa venue, 43, 61. Ceux qui disent que le Christ, fils de Marie, est Dieu, profèrent un blasphème. Réponds-leur, qui pourrait arrêter le bras du Tout-Puissant, s'il voulait perdre le Messie fils de Marie, sa mère, et tous les êtres créés? Dieu est le souverain des cieux, de la terre et de l'immensité de l'espace. Il tire à son gré les êtres du néant, parce que sa puissance est infinie, 5, 20. Jésus est aux yeux du Très-Haut un homme comme Adam, parce que, disent les commentateurs, ils furent l'un et l'autre l'ouvrage d'une création particulière. Adam fut créé de poussière. Dieu lui dit, sois, et il fut, 3, 52. Le Messie n'est que le ministre du Très-Haut, d'autres envoyés l'ont précédé, 5, 80. N'a-t-il pas dit lui-même, ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur est le vôtre, 5, 77. Un jour Dieu rassemblera les prophètes, et leur demandera ce que les peuples ont répondu à leurs exhortations. Seigneur, diront les prophètes, la science n'est point notre partage, toi seul connais les secrets. Dieu dira à Jésus, fils de Marie, souviens-toi des grâces que j'ai répandues sur toi et sur celle qui t'a enfanté. Au milieu des miracles que tu fis éclater aux yeux des Juifs obstinés dans leur incrédulité, ils s'écriaient, tout cela n'est que prestige. J'inspirai aux apôtres de croire en moi et en Jésus mon envoyé, et ils dirent, nous croyons, 5, 109 à 112. Dieu ayant ensuite demandé à Jésus, fils de Marie, s'il avait commandé aux hommes de l'adorer, lui et sa mère, comme des dieux, Seigneur, répondit-il, leur aurais-je ordonné un sacrilège? Je ne leur ai fait entendre ma voix que pour leur annoncer tes commandements. Je leur ai dit, adorez mon Seigneur et le vôtre. J'ai été témoin auprès d'eux, tant que je suis resté sur la terre. Lorsque la mort est venue, par ton ordre, trancher le fil de mes jours, tu as été leur gardien, 5, 119, 118. Jésus ne rougira pas d'être le serviteur de Dieu. Les anges qui environnent son trône lui obéissent, 4, 170. Note. On ne doit pas oublier que Mahomet parle ici des chrétiens orientaux, à qui le reproche d'adorer la Sainte Vierge pourrait s'adresser. Ils lui rendent, en effet, généralement un culte dont tout bon chrétien a droit d'être scandalisé lui-même. Chapitre 9 de Mahomet. Dieu a fait éclater sa bienfaisance pour les fidèles. Il leur a envoyé un apôtre d'entre eux pour leur annoncer ses merveilles, les purifier, Leur enseigner le livre et la sagesse, 3, 157, et leur apprendre ce qu'ils ignoraient, 2, 146. Mahomet est l'envoyé du Seigneur et le sceau des prophètes, 33, 40. Le Pentateuque et l'Évangile en font mention, 7, 157. Il n'est point éclairé par la science humaine, suivez-le, et vous marcherez dans le chemin du salut, 7, 158. Ô vous qui reçûtes les Écritures, notre apôtre va vous éclairer sur la cessation des prophètes. Vous ne direz plus, ils ont cessé ces jours où les ministres du ciel venaient nous annoncer ses menaces et ses promesses. Un d'eux est au milieu de vous, parce que la puissance de Dieu est sans borne, 5, 22. Nous t'avons envoyé avec vérité, pour être l'organe de nos promesses et de nos menaces, et tu ne seras pas obligé de rendre compte de ceux qui seront précipités dans l'enfer, 2, 113. Nous t'avons inspiré comme nous inspirâmes Noé, les prophètes Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon. Nous t'avons fait connaître une partie de nos envoyés, il en est d'autres que nous te laissons ignorer. 4, 161, 162. La miséricorde divine t'a choisi pour prêcher un peuple à qui il n'était point encore venu d'apôtre, afin qu'il ouvre les yeux à la lumière. 28, 46. Du milieu de vous s'est levé un prophète distingué, il est chargé de vos fautes. Le zèle de votre salut l'enflamme, et les fidèles ne doivent attendre de lui qu'indigence et miséricorde. S'ils refusent de croire la doctrine que tu leur enseignes, dis-leur, Dieu me suffit. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. J'ai mis en lui ma confiance, 9, 130. Nous t'avons révélé le Coran en langue arabe. Après la science dont le ciel t'a favorisé, si tu suivais les désirs des infidèles, quel asile trouverais-tu contre un Dieu vengeur? D'autres prophètes t'ont précédé, chaque livre sacré a son temps marqué. Dieu efface et laisse subsister ce qu'il veut. Ton emploi se borne à la prédication. À nous appartient le droit de juger. 13, 40. Que l'indulgence soit ton partage. Commande la justice, et fuis les ignorants de la science d'en haut. 7, 198. Manifeste nos préceptes. 15, 94. Emploie la voix de la sagesse et la force de la persuasion pour appeler les hommes à Dieu. Combat-les avec le charme de l'éloquence. 16, 126. Nous n'avons point enseigné la poésie aux prophètes. Cet art ne lui convient pas. Son ministère est la prédication. Il doit exhorter celui qui a la vie, et menacer l'infidèle des vengeances célestes, 36, 69, 70. Nous t'avons envoyé pour être témoin, et pour annoncer nos promesses et nos menaces. Tu appelleras les hommes à Dieu, tu seras la lumière qui les éclairera. Annonce aux croyants les trésors de la libéralité divine. N'obéis ni aux infidèles, ni aux impies, ne leur nuis point, mets ta confiance en Dieu, sa protection est un sûr asile, 33, 44, 47. Il en est qui écouteront ta doctrine, mais peux-tu faire entendre les sourds, ils sont privés d'intelligence. Les uns attacheront sur toi leur regard, mais peux-tu éclairer les aveugles? Leurs yeux sont fermés à la lumière. 10, 42, 43. Si l'on nie ta doctrine, les prophètes venus avant toi subirent le même sort, quoique les miracles, la tradition et les livres divins attestassent la vérité de leur mission. 35, 23. Souffre patiemment la calomnie. Sépare-toi des idolâtres. 73, 10. Elle ne t'épargnera pas plus que les prophètes qui t'ont précédé. Si Dieu est indulgent, il est terrible dans ses vengeances. 41, 43. La protection de Dieu est un asile suffisant pour toi et pour les fidèles qui te suivront. 8, 65. Contre ceux qui se moquent de la religion. 15, 94, 95. S'ils t'accusent de mensonge, réponds-leur, j'ai pour moi mes œuvres, que les vôtres parlent en votre faveur. 10, 42. Dieu m'a commandé de me dévouer à son culte, et d'embrasser l'islamisme. Il m'a chargé de lire le Coran. Ceux qui recevront la lumière jouiront de cet avantage précieux, et je dirai à ceux qui persisteront dans l'erreur, ma mission se borne à vous prêcher. 27, 93, 94. Le Seigneur m'a conduit dans le droit chemin. Il m'a enseigné une religion sainte, le culte d'Abraham qui crut en l'unité de Dieu, et qui refusa de l'encens aux idoles. Ma prière, ma foi, ma vie et ma mort sont vouées à l'Éternel. Chercherai-je un autre Seigneur que celui qui gouverne le monde? 6, 161 à 163. Le témoignage de Dieu et de ceux qui possèdent les Écritures est une preuve suffisante en ma faveur. 13, 43. Je ne demande pour prix de mon zèle que de vous voir marcher dans les voies du salut. 25, 59. Je suis un homme comme vous, mais j'ai été favorisé des révélations divines. 18, 100. Je ne vous dis pas que je possède les trésors célestes, que je connais les mystères, ni que je sois un ange. Je ne prêche que ce qui m'est révélé. 6, 49. Je suis l'interprète du ciel, ma mission est divine, elle embrasse tout le genre humain. 7, 158. Dieu m'a commandé de l'adorer lui seul. J'invoque son nom. Je retournerai à lui. 13, 36. Le culte de vos idoles m'est interdit. En suivant vos désirs, je me plongerai dans l'erreur, et je cesserai d'être éclairé. La volonté de Dieu est ma loi. Vous y êtes rebelles. 6, 55, 56. J'adresse au Seigneur un pur hommage. Nul autre ne partage mon encens. 72, 20. Chercherai-je un autre protecteur que Dieu? Il a formé les cieux et la terre. Il nourrit et n'est point nourri. J'ai reçu l'ordre d'embrasser le premier l'islamisme, et de ne point donner d'égal au Très-Haut. Si je suis rebelle à sa voix, je dois craindre la peine du grand jour. Celui qui l'évitera en sera redevable à la miséricorde divine. Son bonheur sera assuré. 6, 14, 15. Lorsque les idolâtres entendent la doctrine divine, ils disent, Mahomet n'est qu'un homme, il veut nous détourner du culte de nos pères. Le Coran n'est qu'une fable inventée. Aveuglés par l'impiété, ils traitent de mensonge la vérité qui brille à leurs yeux. Avant toi, nous ne leur avions envoyé ni livres ni apôtres. Ceux qui les ont précédés accusèrent d'imposture les messagers de la foi, et les empêchèrent de remplir leur mission. Un châtiment épouvantable fut le prix de leur impiété. Un jour vous serez convaincus que Mahomet, votre concitoyen, n'était point inspiré par un démon. Son ministère est de vous annoncer les menaces divines, avant que la punition arrive, 24, 42 à 45. Votre compatriote n'est point dans l'erreur, il n'a point été séduit, il ne suit point ses propres lumières, 53, 2, 3. Quoi de plus impie que de faire Dieu complice d'un mensonge? Que de s'attribuer des révélations qu'on n'a point eues, 6, 93. Markendan Archivorg 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.